moléculaire d'émotion. C'est comme une bête avec plein de microbes. Et les microbes se nourrissent de la bête et la bête des microbes. Et tout ça de toi. Tu détestes le monde, c'est quelqu'un, la ville, tout. Et tu es la bête qui te ronge. Merci. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Tu veux faire souffrir, et c'est ça, voilà le ressentiment, ça te ronge, tu te méfies, et si tu te méfies, je me méfie, c'est un ressentiment, le ressentiment est là, c'est ça, ça te ronge, c'est une vraie bête. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui nous atteint, à nous, chers auditeurs, car nous, on fait l'amour. Pas le ressentiment. Thank you. c'est l'heure de quelques informations. Le maire de Saturargues serait très énervé quant à la situation actuelle. Oh oh oh, ça suffit là! Là! C'est le ras-de-bord du verre! On n'en peut plus! Faut le dire! On n'en peut plus! Il y a un moment, et on peut plus! Il y a un moment où ça s'époumonne, où ça s'épanouit plus, et là, faut le dire là! Là alors là, va falloir à un moment donné faire les choses dans le bon sens et pas dans le mauvais. Et là c'est bon. Voilà. Autre nouvelle. Une école de la princesse potée du Barcarès subit une véritable épidémie de poux. La princesse aurait d'ores et déjà trouvé une solution. Tous les enfants auront les cheveux totalement rasés. Elle aurait ensuite déclaré « Pas de cheveux, pas de problème !» Allez, on se retrouve après notre petit moment musique. Thank you.

Mais c'est l'heure de se quitter, les amis. Mais ne vous en faites pas, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelez-vous que l'amour a toujours lieu.